Chapitre 2 Rayon d'or, le bois brûlé. Le sachem, en rentrant dans celui-ci, trouva le conseil encore assemblé. Il s'en étonna. Il demanda « Mes frères délibèrent donc encore ?»« Nous t'attendons, » dit un vieillard. « La loutre a quelque chose à nous dire. » La loutre était le sorcier dont le visage malicieux s'éclairait d'un sourire fin et moqueur. « Mes frères, » dit-il, « je voulais vous demander si l'un de vous savait ce que Nilsson veut exiger de la famille de la jeune fille. » Personne ne répondait. Mais parmi les braves, un adolescent de 14 ans dit « Je le sais, moi !» Le guerrier que suivait ce très jeune brave dit d'un ton grondeur « Tais-toi, rayon d'or, tu n'as pas le droit de parler. »« Je l'ai !» Et le jeune homme s'avança. Il était peint en guerre et en armes. « Je venais d'arriver d'une expédition, dit-il, quand j'ai vu le conseil réuni. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai compris. Je n'ai pas réclamé mon droit devant l'étranger pour ne pas troubler l'assemblée, mais mon droit, je le réclame. » Le sachem dit « Prouve ton droit. » Le jeune homme tira de la gibecière 4 chevelures sanglantes. On poussa des hoches d'approbation. Il était superbe, rayon d'or, en montrant ses trophées. Il avait une jolie figure, le teint clair, l'air espiègle et hardi, le regard ferme et questionneur, le sourire aimable. Sa tête avait dans les traits, dans l'expression, quelque chose de français. Tous ceux qui le voyaient en étaient frappés et en demandaient l'explication. D'autant plus qu'une splendide chevelure blonde jetait sur son visage des reflets dorés de teintes claires. Ce jeune homme était un métis, fils d'un bois brûlé et d'une sioux. Son père s'était épris d'une fille de la tribu et l'avait épousée. Grand honneur pour les Sioux. Les bois brûlés sont des descendants de vieux colons français du Canada qui s'étaient mariés avec des indiennes. Ils brûlaient des parties de forêt pour défricher les terres où ils voulaient s'établir, de là leur nom. Cultivateurs en été, bûcherons pendant l'hiver, ils prospérèrent. Ils sont aujourd'hui nombreux et répandus partout, surtout au nord-est. Ce sont eux qui ont fait la dernière révolte contre les Anglais. Ils avaient les peaux rouges comme alliés. Le père de Rayon d'or fut le chef des Sioux pendant toute la durée de la guerre, chef suprême. Craignant la vengeance des Anglais, il était resté au milieu d'eux. Mais il mourut jeune, après avoir eu pourtant le temps d'apprendre à son fils le français, l'anglais, à lire, à écrire, à compter. Il s'était procuré dans les factoreries des livres, des journaux, des revues. Les Français des grandes villes françaises du Canada s'occupent beaucoup de l'instruction à répandre parmi les bûcherons et les fermiers disséminés dans les forêts de l'Est et du Nord. Une bonne œuvre, celle de « La lecture », a été fondée. Elle recueille tous les journaux, revues, livres qui, ayant été lus, lui sont donnés. Elle en charge les vapeurs et les trains, pour que les conducteurs de chemin de fer et les mariniers distribuent ses livres, ses périodiques, gratuitement et en déposent dans les forts. Les pères, les mères des bois brûlés, ne manquent jamais au devoir d'apprendre à lire et à écrire à leurs enfants. Au livre, la société de la lecture joint de vieux cahiers scolaires. Les petits bois brûlés écrivent entre les lignes et copient ces lignes. N'est-ce pas très ingénieux? Ce rayon d'or, fils d'un grand chef, instruit et nourri de lecture, qui lui avait fait une assez étrange éducation, était très aimé par toute la tribu. Il exerçait sur tous les jeunes gens une fascination évidente. Il était leur chef par un consentement unanime et tacite. Jusqu'ici, il avait suivi un vieux cousin, homme de grande expérience qui l'avait formé. Il brûlait de s'émanciper. Il voulait à son tour être chef. Et maintenant, il en avait le droit et il le prouvait. Montrant les chevelures. « J'avais remarqué, dit-il, les traces de 4 guerriers de la tribu des Corbeaux, ces voleurs qui cherchent à nous enlever nos chevaux. Je les ai épiés et je les ai surpris pendant le cours de la nuit dernière. Je les ai tués tous les 4. Voilà les scalps. Suis-je guerrier ?»« Tu es guerrier !» Toute la tribu d'approuver. « Hotch, hotch !» Le jeune homme s'assit alors auprès de son vieux cousin, fier de son élève. Alors le sachem dit « Puisque tu sais le secret du blanc, dis-le, rayon d'or !» mais lui, qui avait pris quelque chose dans sa gibecière, le cacha dans le creux de sa main, puis, levant son paquet, il dit « Le secret est là-dedans. Je ne veux pas enlever à notre grand médecin l'honneur de vous le révéler. Mais quand il aura parlé, j'ouvrirai ma main et vous verrez que j'avais deviné ce que Nilsson voulait de la famille de la captive. » Le sachem dit au sorcier « Parle, la loutre !»« Mes frères, dit le rusé personnage, ce qu'exigera Nilsson, c'est une rançon. » Et Rayon d'or, ouvrant la main, montra une pièce de monnaie. « Voyez, fit-il, j'ai mis cette pièce d'argent dans ma main pour vous prouver que je savais que ce que demanderait Nilsson, ce serait de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il veut vous donner les 200 remington. » On applaudit. La séance fut définitivement levée et on entoura Rayon d'or. Il dut raconter en détail comment il avait tué les corbeaux. Sa mère et sa sœur l'écoutaient avec une extrême attention. Elle devait peindre sur son manteau et sur sa tunique cet exploit. Quand il eut terminé, 10 ou 12 jeunes gens se déclarèrent ses braves. Ainsi devint guerrier Rayon d'or le bois brûlé.